밖에 집맨 뭔가 신문 콩통에 봐 니들 다 빛이 니들 다 동네에서 J'ai besoin de tes bras, de l'animalité, de tes caresses. Tu m'as trompé,